Vous écoutez ? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL 89.1 sur le poste radio et sur la toile ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone, un plaisir de vous retrouver à l'écoute. Je vous propose ce soir un programme musical et sonore gouverné par le hasard et l'intuition, certains diront gouverné par la chance, et oui. Donc un programme orienté par des choix aléatoires que j'ai fait parmi des dizaines d'écoutes de créations sonores de qualité. Alors, pas de thème, pas de mots-clés, ni d'affinité élective, vous verrez, mais des œuvres qui suscitent la curiosité. Et je débute la soirée avec un album intitulé « She Was Like Art ». Bon, je traduis, elle était pareille à de l'art. C'est un album réalisé par l'artiste londonien Nema. C'est peut-être aussi une londonienne, voire une personne non-binaire. En tout cas, franchement, j'ai pas trouvé grand-chose ou très peu de choses éloquentes à son sujet. Alors, on épelle son nom comme le Nema de John Coltrane qu'on retrouve sur son album célèbre Giant Steps. C'est peut-être par ce biais-là qu'on fait une écoute attentive de ce très bel album, bon, subtil, nuancé dans les détails harmoniques, des arrière-plans, mi-urbain, mi-industriel, vous verrez, c'est vraiment intéressant. Nema, pour résumer, c'est un saxophone et un synthétiseur qui a la ville de Londres pour résidence, rien d'autre à l'horizon. Alors voilà, on écoute ça tout en lenteur et en lueur sonore. Alors, Nema. Thank you. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Une soirée dédiée à des productions, des œuvres que j'ai retenues un peu au hasard, sur un mode très aléatoire. Donc, je vous présente quatre démarches. On vient d'entendre cette fois quelques titres tirés d'un très bel album intitulé « She Was Like Art ». C'est de l'artiste londonien. Ou londonienne, parce que très peu d'informations à son sujet, un artiste qui s'appelle Neyma. Et on enchaîne ça avec un album qui porte un drôle de titre, 8 notions de détente. C'est un album du collectif Torche, un collectif euro-québécois réunissant le clarinettiste français Xavier Charles, le trompettiste autrichien Franz Hautzinger et les Québécois Philippe Lausier et Éric Normand. On les retrouve ceux-là à la clarinette basse et à la basse. Il y a aussi, et non le moindre, Michel F. Côté qui fait partie du groupe qui est à la batterie. Alors, le critique du magazine canadien Music Work, très beau magazine. En passant, je vous conseille de feuilleter ça, de jeter un coup d'œil si ça vous adonne. Donc, le critique Stuart Bromer souligne qu'il s'agit de musiciens hors pair. Je suis plutôt d'accord. Tous spécialistes des techniques de son étendues, ébruitées, qui font émerger une musique aux aspects lancinants, envoûtants et abstrait. Je referme les guillemets. Il a bien raison de souligner la richesse de cet album lancé récemment, en février 2025. Une belle production de circumdisque et de tour de bras, ce label mené par Éric Normand depuis le bas du fleuve, depuis Rimouski. Alors, on écoute une création intitulée « Ramassage de cendres ». Beau titre poétique, une trame mystérieuse, quasiment construite à la manière d'un travelling sonore au pays des ombres. Alors, c'est à la fois sombre, mystérieux, très intéressant. Je vous fais entendre « Ramassage de cendres » du collectif Torche avec un point d'exclamation. Thank you. C'était Ramassage de cendres du collectif Torche, une création très abstraite, en tout cas, qu'on ne saurait fredonner. Je reprends dans les grandes lignes ce qu'on raconte à propos de ce collectif Torche. Collectif d'improvisateurs euro-québécois, tous engagés, dit-on, dans une recherche de sons et de timbres épurés, on a pu l'entendre, tout ça sorti de leurs instruments respectifs, preuve à l'écoute que le langage de l'improvisation libre est véritablement universel et plutôt séduisant. Il suffit d'avoir une oreille attentive, une oreille d'éléphant, disent-ils, avec le sourire, évidemment, disent-ils, les expérimentateurs de Torche, histoire de faire confiance à son instinct et à la camaraderie pour que tous les sons, bruits dissonants, distordus, acoustiques ou électriques, mélodiques, haletants ou bruyants, trouvent leur place dans le grand schéma mystérieux de l'art sonore. Je referme les guillemets, c'est tout de même très évocateur. Alors, on écoute un deuxième extrait de ce bel album intitulé « Notion de détente ». La toute première notion intitulée « Impression du dehors », c'est interprété par le clarinettiste Xavier Charles, le trompettiste Franz Oetzinger, le clarinettiste Philippe Lausier, le bassiste Éric Normand et le batteur Michel F. Côté. Alors, ça s'intitule Ça s'intitule, voyons, 8, bon, tiré de l'album 8 notions de détente, et ça s'intitule Impression du dard. Eh bien voilà ce qui complète la première demi de l'émission avec le collectif Torche. Quand on parle de l'exploitation du potentiel des instruments, eh bien je trouve que c'est un très bel exemple, que c'est très réussi comme, comme interprétation. C'est fascinant. Alors voilà, restez des nôtres. Je vous reviens après la courte pause. On va écouter des œuvres de Lucio Garro et de Max Elibacher, là aussi sur les sentiers de l'expérimentation sonore. Alors, à tout de suite. Écoutez, c'est KRL. Radio. Vous écoutez? La croche-oreille. Eh bien, on est de retour. Vous écoutez la croche-oreille sur les ondes de CKRL, la radio qui aime le son. C'est le 89.1 sur le poste et ckrl.qc.ca sur le web. Je vous propose ce soir un programme gouverné par des choix aléatoires, des choix du hasard sonore aménagés avec des coups de cœur du moment. Et la première demi nous a servi des sonorités inspirées par le souffle d'un free jazz inattendu. Et je poursuis ça dans une perspective tout à fait différente dans l'univers des phonographies, cette fois ces univers sonores que l'on capte sur le terrain avec micro et magnéto en tout genre. Le projet que je vous fais entendre s'intitule Ichnos, une création de l'artiste sonore Lucio Garro. Ichnos, eh bien, c'est une composition sonore qui tente de décrire la Sardaigne sur le plan sonore, en superposant des environnements sonores captés sur l'île méditerranéenne, tout ça mixé à des compositions de l'artiste, interprétées ensuite en collaboration avec de nombreux complices musiciens, musiciennes. Alors, pour vous mettre dans le ton, on va écouter les pistes 3 et 4. Ça s'intitule l'album Ichnos, et c'est pour évoquer, raconte Lucio Garro, ce beau territoire de la Sardaigne. Alors, on écoute ça. Thank you. On vient d'entendre deux courts extraits de ce projet intitulé « Knos » de l'artiste sonore et compositeur italien Lucio Garo. Un projet qui a pour but de nous décrire ou exprimer les paysages sonores de la Sardaigne. Alors avouez que c'est assez imaginatif. Lucio Garo est un compositeur de musique pour instruments traditionnels, bon maître de nombreux claviers, dit-on, et de musique acousmatique. Chercheur en esthétique et en histoire de la musique, on raconte que c'est un organisateur de concerts, de spectacles. Bon, ce projet intitulé Knos regroupe des travaux de captation sonore réalisés sur plusieurs années et à différentes périodes, au début des années 90 et puis au début des années 2000, en compagnie de Bernard Faure, un maître de la phonographie, et en 2024, depuis la terrasse de sa maison en Sardaigne. Alors, dans mes enregistrements, raconte Garo, on peut entendre des paysages sonores de la Sardaigne composés de sons très locaux produits par les humains et de sons naturels qui nous rattachent de par leur similarité avec d'autres parties du monde. Je referme les guillemets. On poursuit l'écoute de ce travail très expressif, à la fois un peu abstrait, paysage abstrait de la Sardaigne sonore. Alors, on écoute un dernier enchaînement du projet Knos. C'est de l'artiste Lucio Garo, un projet que l'on retrouve sur la plateforme Collection Tempo Reale. On retrouve ça sur Bandcamp et d'autres plateformes numériques. Alors, on écoute deux autres extraits. Thank you. C'était Lucio Garo, un travail qui vise à illustrer les paysages sonores de la Sardaigne. Un travail très, très inusité. Alors, je vous fais entendre cette fois un magnifique travail de création de l'artiste multidisciplinaire Max Elibacher. C'est un artiste berlinois qui vit et travaille aux États-Unis et dont les créations portent sur le son, la vidéo et la performance. On raconte que sa pratique sonore s'inspire des musiques électroacoustiques et concrètes, tout ça mixé à des traitements informatiques. Bon, c'est dans le ton des créations actuelles. On va écouter un extrait d'un album intitulé Seven Runs. C'est un projet enregistré de mars à avril 2024, projet très réussi, je trouve, et il a fait ça dans son van alors qu'il était en tournée américaine. Alors, pour dire qu'on peut faire du son dans toutes sortes de circonstances, et que dire du projet sinon qu'il propose une rythmique endiablée, construite autour de structures sonores en mouvement. J'ouvre les guillemets, sur le nouvel album Seven Runs, Max Elibacher manipule une série de sons électroniques soigneusement organisés pour former ce que le compositeur décrit comme un mirage structurel fait de mouvements constants. Je referme les guillemets. Le critique Miles Bowl raconte que c'est suivant un algorithme de composition conceptuelle que les sonorités électroniques répétitives d'Elibacher semblent s'élever sans fin sur deux pentes parallèles. Elibacher a beau expliquer le mouvement de ces structures sonores illusoires, la magie fluide qui en résulte est merveilleuse. Je referme les guillemets. Vous allez voir, c'est intéressant. On écoute ça. Max Elibacher et son projet Seven Runs. Thank you. Et bien voilà ce qui complète l'émission pour ce soir. Grand merci aux artistes, créateurs sonores, artisans, essayistes, bon, de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres écrites et sonores. Je les nomme Nema, le collectif Torche avec un point d'exclamation, Lucio Garraud et Max Elibacher, dont on entend les expérimentations en arrière-plan. Comme à l'habitude, vous trouverez la liste des pièces entendues sur le site Lacroche-Oreille. Et pour clore l'émission, ben, on poursuit l'écoute des travaux de Max Elibacher. Quant à moi, je suis de retour la semaine prochaine, 21h, sur les ondes de CKRL 89.1 pour une autre aventure sonore. Au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.